La ferme de Lock Willow, samedi soir. Papa Fauche chéri, je viens d'arriver, mais je n'ai pas encore défait ma malle. Mais j'ai besoin de vous dire à quel point j'aime les fermes. Celle-ci est tout bonnement délicieuse. La maison forme un carré, comme sur le dessin que je vous envoie. Elle est vieille d'au moins 100 ans. Sur le devant, il y a un joli petit porche. Elle est entourée d'érables, de pins et de sapins, où le vent murmure et qui borde l'allée qui conduit au bâtiment principal. Elle est située sur le haut d'une colline et a vue sur des kilomètres de vertes prairies qui s'en vont rejoindre d'autres lignes de collines. Tel est l'aspect du Connecticut, une série d'ondulations successives. Et la ferme de Lock Willow est justement sur la crête d'une des ondulations. Les granges s'élevaient autrefois de l'autre côté de la route et bouchaient ainsi la vue. Mais un aimable coup de foudre est tombé du ciel et les a pulvérisés. Les habitants sont M. et Mme Semple, une fille de ferme et deux hommes. Ces trois-là mangent à la cuisine et les Semple et Joujou dans la salle à manger. Nous avons eu pour le souper jambon, œufs, biscuits, miel, gâteaux, pâtés, pickles, fromage, thé et beaucoup de conversations. Je n'ai jamais été si amusante de ma vie. Tout ce que je dis paraît drôle. Cela vient sans doute de ce que je n'ai jamais été à la campagne et que mes questions dénotent une ignorance totale de toute chose. La chambre marquée d'une croix n'est pas celle où le meurtre a été commis, mais bien celle que j'occupe. Elle est grande, carrée et vide, avec des meubles adorablement démodés, des fenêtres qu'on tient ouvertes au moyen de morceaux de bois et des stores verts et or qui tombent dès qu'on les touche. Enfin, une grande table carrée en acajou. Je vais passer mon été, les coudes appuyés là-dessus, à écrire un roman. Oh, papa, je suis dans un tel état d'excitation! Je ne saurais attendre le lever du jour pour commencer mes explorations. Il est 8h30, je vais souffler ma bougie et essayer de dormir. Nous nous levons à 5h. Vîtes-vous jamais rien de plus comique? Je ne puis croire que c'est à moi, Joujou, que cela arrive. Vous et le bon Dieu me donnez plus que je ne mérite. Il faut que je sois une personne très, très sage pour m'acquitter. Je le serai. Vous verrez. Bonne nuit. Joujou. Post-scriptum. Si vous entendiez chanter les grenouilles et crier les petits porcs, et si vous pouviez voir la nouvelle lune, moi, je l'ai vue par-dessus mon épaule droite. Cela porte bonheur. Lock Willow, le 12 juillet. Cher papa Faucheux, comment se fait-il que votre secrétaire connaissent Lock Willow. Ce n'est pas un exercice de rhétorique. Je voudrais beaucoup savoir ce qu'il en est. En effet, écoutez ceci. Cette ferme a appartenu à M. Jervy Pendleton, mais il en a fait don à Mme Semple, qui a été sa nourrice. Quelle curieuse coïncidence! Elle l'appelle M. Jervy et raconte que c'était un amour de petit garçon. Elle conserve une boucle de sa chevelure de bébé dans une boîte, cheveux rouges, au moins un roux. Depuis qu'elle a découvert que je le connais, j'ai beaucoup monté dans son estime. Connaître un membre de la famille Pendleton est la meilleure recommandation pour être bien vu à Lock Willow. Et la crème de toute la famille est M. Jervy. J'ai plaisir à dire que Julia appartient à une branche inférieure de la famille. La ferme devient de plus en plus amusante. Hier, je me suis promenée sur une charrette de foin. Nous avons 3 gros porcs et 9 petits cochons de lait. Il faut les voir manger. Ce sont de vrais cochons. Nous avons des flottes de petits canards, de poussins, de dindons et de pintades. Quelle folie d'habiter la ville quand on peut vivre dans une ferme. C'est mon travail quotidien de chercher les œufs. Hier, dans la grange, je suis tombée d'une poutre où j'étais grimpée pour essayer d'attraper le nid que la poule noire a usurpé. Quand je suis rentrée avec une égratignure au genou, Mme Semple m'a mis un pansement et marmottant pendant toute l'opération « Miséricorde !» Il me semble que ce n'est qu'hier que M. Jervy est tombé de la même poutre et s'est égratigné le même genou. Le paysage est merveilleux. Il y a une vallée, une rivière, une étendue de collines boisées. Au loin, une grande montagne, toute bleue, qui s'estompe et semble vous fondre dans la bouche. 2 fois par semaine, nous battons le beurre et la crème est mise de côté dans la maison de la source, qui est construite en pierre sur le cours même du ruisseau. Quelques-uns des fermiers voisins ont une écrémeuse, mais nous ne donnons pas dans ces nouvelles modes. Il se peut que cela demande un peu plus de travail de retirer la crème et de la mettre dans des bassines, mais le résultat obtenu est bien préférable. Nous avons 6 veaux, et j'ai choisi un nom pour chacun d'eux. Premièrement, Sylvie, parce qu'elle est née dans les bois. Deuxièmement, Lesbie, en honneur de Lesbie de Catulle. Troisièmement, Sally. Quatrièmement, Julia, un animal moucheté quelconque. Cinquièmement, Joujou, comme moi. Sixièmement, Faucheux. Cela ne vous fait rien, n'est-ce pas? C'est un jersey pur sang, il a une si jolie nature. Je n'ai pas encore eu le temps de commencer le roman qui doit m'immortaliser. J'ai trop à faire à la ferme. Toujours à vous, Joujou. Post-scriptum 1. J'ai appris à faire des beignets. Post-scriptum 2. Si vous avez l'intention d'élever des poulets, je vous recommande les Orpington chamois. Ils n'ont pas de petites plumes qui piquent. Post-scriptum 3. Je voudrais bien vous envoyer une motte du joli beurre frais que j'ai battu hier. Je suis décidément une bonne laitière. Joujou à botte. Dimanche. Cher papa Faucheux, comme c'est drôle. J'avais commencé à vous écrire hier après-midi, mais je ne suis pas allée plus loin que l'en-tête, cher papa Faucheux, car je me suis rappelé que j'avais promis de cueillir des mûres pour le souper. J'ai donc laissé le feuillet commencer sur la table, et quand je suis rentrée, savez-vous ce que j'ai trouvé installé au milieu de la page? Un faucheux, un vrai faucheux. Je l'ai pris bien doucement par une patte et je l'ai jeté par la fenêtre. Je ne ferai pas de mal à une de ces bêtes-là pour tout l'or du monde. Elles me font toujours penser à vous. Nous avons démarré la carriole ce matin et nous sommes allés à l'église. Un petit bijou, cette église, toute blanche, avec une flèche et 3 colonnes doriques sur le devant. Ou peut-être ionique, je m'y embrouille toujours. Nous avons eu un bon petit sermon bien endormant. Tout le monde, dans un demi-sommeil, s'éventait avec des feuilles de palmier. Le seul bruit, y compris celui du prédicateur, était le bourdonnement des cigales dans les arbres de la place. Quand je me suis réveillée, je me trouvais debout, chantant les hymnes, et alors j'ai vraiment regretté de ne pas avoir entendu le sermon. J'aurais bien voulu connaître la psychologie de l'homme qui a choisi l'hymne que voici. Abandonne les sports et les jeux de la terre, viens prendre part aux joies célestes. Sinon, cher ami, c'est un éternel adieu, et je te laisse tomber au fin fond de l'enfer. Je trouve qu'il n'est pas prudent de parler religion avec les saints Paul. Leur Dieu, qu'ils ont hérité intact des puritains, leurs ancêtres, est une personne bornée, illogique, injuste, mesquine, rancunière, bigote. Ce n'est pas ainsi que j'aime à me figurer Dieu, et personne ne m'en a transmis une image obligatoire. Je me le représente comme un être bon et paternel, qui pardonne et qui comprend. J'aime énormément les saints Paul. Leurs actes sont tellement supérieurs à leurs théories. Ils valent mieux que leur Dieu. Je le leur ai dit, ils en ont été terriblement troublés. Ils pensent que je blasphème, et moi je pense que c'est eux. Nous ne parlons plus théologie. C'est dimanche après-midi. Amazaï, valet de ferme, très rouge et rase de près, avec une cravate pourpre et des gants jaunes clairs en peau de daim, vient de monter en carriole avec Carrie, fille de ferme. Celle-ci, grand chapeau garni de roses rouges, robe de mousseline bleue et cheveux frisés au petit fer. Amazaï a passé toute la matinée à laver la carriole, et Carrie est restée à la maison sous prétexte de préparer le dîner, mais à la vérité, pour repasser la robe de mousseline. Dans 2 minutes, quand j'aurai fini cette lettre, je vais me mettre à lire un livre que j'ai trouvé au grenier. Cela s'appelle « Sur la piste ». Et en travers de la première page, ces mots sont tracés dans une drôle de petite écriture d'enfant. Jervy Pendleton, si ce livre sort de chez lui, fouettez-le bien et renvoyez-le ici. Une fois, comme il était malade, il a passé l'été ici. Il avait à peu près 11 ans. Il a oublié d'emporter sur la piste. On dirait qu'il l'a beaucoup lu. Les marques de ses petits doigts sont partout. On trouve également dans un coin du grenier une roue hydraulique, un moulin à vent, des flèches et un arc. Madame Simple parle si souvent de lui que je commence à croire que réellement il existe, mais pas comme un homme fait, avec un chapeau haute forme et une canne, mais un gentil petit garçon barbouillé, mal peigné, qui monte l'escalier avec un bruit infernal, laisse toutes les portes ouvertes et demande tout le temps des gâteaux. Et il les obtient, d'après ce que je sais de Madame Saint-Paul. Il paraît avoir été une petite créature éprise d'aventure, franche et courageuse. Je regrette qu'il soit de la famille Pendleton. Il méritait mieux. Demain, nous commencerons à battre l'avoine. Il y aura une machine à vapeur et 3 hommes spécialement engagés. Cela me fait de la peine de vous dire que Bouton d'Or, la vache avec une corne, mère de Lesbie, a fait quelque chose d'affreux. Elle est entrée vendredi soir dans le verger et a mangé des pommes sous les arbres, tant et tant qu'elles lui sont montées à la tête. Pendant 2 jours, elle a été complètement ivre. C'est la vérité que je vous dis. A-t-on jamais vu pareil scandale ? J'ai l'honneur, monsieur, d'être votre orpheline affectionnée. Joujou Abbott. Post-scriptum. Des Indiens au premier chapitre et des brigands au second. Je ne respire plus. Qu'est-ce que le troisième peut contenir ? Faucon Rouge sauta 20 pieds en l'air et mordit la poussière. C'est le sujet de l'entête illustrée. Comme Joujou et Jervy s'amusent bien. Le 15 septembre. Cher papa, je me suis pesé hier sur la balance à farine dans le magasin du village. J'ai gagné 9 livres. Je vous recommande Lock Willow comme cure d'air. Toujours à vous, Joujou. Le 27 septembre. Cher papa Faucheux, me voici sauf aux morts. Je suis arrivée vendredi dernier, regrettant d'avoir quitté Lock Willow, mais contente de revoir le campus. C'est vraiment une sensation agréable de se retrouver dans un endroit où tout vous est familier. Je commence à me sentir bien chez moi au collège et à m'y trouver vraiment à l'aise. Je commence, en somme, à me sentir chez moi dans le monde, comme si j'en faisais réellement partie, au lieu d'y avoir été admise par simple tolérance. Je ne crois pas que vous ayez la moindre idée de ce que je veux dire. Une personne aussi importante qu'un membre de comité ne peut pas comprendre les sentiments d'une personne d'aussi mince importance qu'une enfant trouvée. Et maintenant, papa, écoutez ceci. Qui croyez-vous que j'ai pour camarade de chambre, Sally McBride et Julia Pendleton? C'est la pure vérité. Nous avons un cabinet de travail et 3 petites chambres. Qu'en dites-vous? Sally et moi, nous avons décidé au printemps dernier qu'il nous serait agréable de partager la même chambre, mais Julia n'a pas voulu quitter Sally. Je me demande pourquoi, car elles ne se ressemblent en rien. Mais les Pendleton sont naturellement conservateurs et hostiles. Excellent mot, à tout changement. Quoi qu'il en soit, il en est ainsi. Me voyez-vous, moi, Jerusha Abbott, ci-devant à l'orphelinat John Greer, faisant chambre commune avec une Pendleton? Nous sommes dans un pays démocratique. Sally voudrait devenir présidente de la classe, et à moins que je ne me trompe fort, elle sera élue. Quelle atmosphère d'intrigue, quelle politicienne nous faisons. Papa, je ne vous dis que cela. Quand nous autres femmes aurons nos droits, vous les hommes, vous devrez bien vous tenir pour garder les vôtres. Les élections ont lieu samedi prochain, et nous aurons le soir une marche triomphale au flambeau, quel que soit l'élu. Je commence la chimie, un travail peu ordinaire. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Les sujets dont on traite sont les molécules et les atomes, mais c'est seulement le mois prochain que je pourrai vous en parler plus savamment. J'entame aussi la dialectique et la logique, et aussi l'histoire universelle, et aussi le théâtre de Shakespeare, et aussi le français. Encore quelques années et je deviendrai tout à fait intelligente. J'aurai choisi l'économie politique de préférence au français, mais je n'ai pas osé, car je craignais, en ne continuant pas le français, que le professeur ne me reçût pas à l'examen. De fait, j'ai passé bien juste, au mois de juin, mais il faut ajouter que j'avais été médiocrement préparée par mes études à l'école. Il y a une jeune fille en classe qui babille en français aussi vite qu'en anglais. Quand elle était petite, elle est allée à l'étranger avec ses parents, et elle a été en classe pendant 3 ans dans un couvent. Vous pouvez vous imaginer à quel point elle l'emporte sur nous. Les verbes irréguliers ne lui sont qu'un jeu. Quel dommage que mes parents ne m'aient pas déposé dans un couvent français au lieu d'un asile d'enfants trouvé. Mais non, ce n'est pas non plus ce que j'aurais voulu, car alors je ne vous aurais probablement jamais connu. Et j'aime bien mieux vous connaître que de savoir le français. Au revoir, papa. Il faut que je passe maintenant chez Harriet Martin, et après avoir fait un peu de chimie avec elle, je laisserai négligemment tomber quelques mots au sujet de notre future présidente. À vous, politiquement. Joujou, Abbott. Le 17 octobre. Cher papa Faucheux, étant donné que la piscine du gymnase est remplie de gelée de citron, une personne qui essayerait de nager pourrait-elle rester à la surface ou coulerait-elle au fond? Nous étions en train de nous régaler de gelée de citron comme dessert quand la question fut soulevée. Nous l'avons discutée avec ardeur pendant une demi-heure, mais elle est encore sans solution. Sally croit qu'elle pourrait nager là-dedans, mais moi, je suis absolument sûre que le meilleur nageur du monde irait au fond. Ce serait drôle d'être noyé dans de la gelée de citron. Il y a encore deux problèmes qui attirent l'attention de notre table. Premièrement, de quelle forme sont les chambres d'une maison octogone ? Certaines d'entre nous prétendent qu'elles sont carrées, mais moi je pense qu'elles doivent avoir la forme d'un morceau de tarte. N'êtes-vous pas de mon avis ? Deuxièmement, en supposant qu'il existe une très grande sphère creuse, faite de miroirs, et que vous soyez assis dedans, on demande à partir d'où, cessant de réfléchir votre visage, elle commencerait à réfléchir votre dos. Plus on médite sur son problème, plus on est embarrassé. Vous voyez à quelle profonde réflexion philosophique nous employons nos loisirs. Vous ai-je déjà parlé des élections ? Elles ont eu lieu il y a 3 semaines, mais nous vivons si vite que 3 semaines sont de l'histoire ancienne. Sally a été élue et nous avons eu une promenade au flambeau avec un transparent portant ces mots « Vive McBride » et un orchestre composé de 14 pièces, 3 flûtes de pan et 11 peignes. Nous sommes des personnages très importants au numéro 258. Beaucoup de gloire a rejailli sur Julia et sur moi. C'est une vraie fatigue mondaine que d'habiter la même maison qu'une présidente. Bonne nuit, cher papa. Respectueusement à vous, Joujou. Le 12 novembre. Cher papa Faucheux, hier, au basketball, nous avons battu les élèves de première année. Bien entendu, nous sommes enchantés. Mais oh, si nous pouvions seulement battre les juniors, je consentirais à être couverte de noirs et de bleus des pieds à la tête et de rester 8 jours au lit, serrée dans une compresse. Sally m'a invitée à passer les vacances de Noël chez elle. Elle habite Worcester, Massachusetts. C'est gentil de sa part, n'est-ce pas ? J'irai avec bonheur. Je n'ai jamais été de ma vie dans une famille, sauf à Lock Willow, et les Semple étaient de grandes et vieilles personnes qui ne comptent pas. Mais les McBride ont une nichée d'enfants, 2 ou 3 au moins, une mère, un père, une grand-mère et un chat angora. C'est une famille parfaitement complète. Faire sa malle et partir est beaucoup plus amusant que de rester au logis. Mais je ne tiens déjà plus en place. 7 heures, il faut courir à la répétition. Je fais partie du spectacle d'action de grâce pour les fêtes de Noël. Dans une tour, un prince en tunique de velours et avec des boucles jaunes. N'est-ce pas tordant ? À vous. Samedi. Voulez-vous savoir à quoi je ressemble ? Voilà une photographie de nous trois, prise par Leonora Fenton. La blonde qui rit est Sally, la grande avec le nez en l'air est Julia, et la petite avec les cheveux au vent est Joujou. Elle est vraiment beaucoup plus jolie que cela, mais elle avait le soleil dans l'œil. Stone Gate. Worcester, Mass, décembre 31. Cher papa Faucheux, je voulais vous remercier il y a longtemps de votre chèque de Noël, mais la vie chez les McBride est très absorbante et je n'ai pas 2 minutes de suite pour écrire. J'ai acheté une robe neuve, je n'en avais pas besoin, mais j'en avais tant envie. Mon cadeau de Noël cette année me vient de Papa Faucheux. Ma famille m'a tout juste envoyé l'expression de son affection. J'ai passé les plus adorables vacances chez Sally. Elle habite une grande vieille maison en briques avec des ornements blancs, située en retrait de la rue. Exactement le genre de maison que je regardais avec tant de curiosité quand j'étais à l'asile John Greer et dont je me demandais comment pouvait être l'intérieur. Je ne m'attendais pas à le voir de mes propres yeux et pourtant j'y suis. Tout est si confortable et reposant. Je me promène de pièce en pièce et je savoure l'ameublement. C'est la maison rêvée, faite pour élever des enfants, avec de petits coins sombres pour jouer à cache-cache et des grandes cheminées pour faire cuire des marrons, un grenier pour gambader les jours de pluie, une rampe d'escalier bien glissante avec une bonne pomme au bout, une grande cuisine ensoleillée et une bonne grosse cuisinière, bien ensoleillée aussi, qui a vécu 13 ans dans la famille et qui met toujours un peu de pâte de côté pour que les enfants s'amusent à la faire cuire. La vue seule d'une telle maison vous donne envie de redevenir petit enfant. Quant à la famille, je n'aurais jamais cru qu'une famille pût être aussi agréable. Sally a un père, une mère et une grand-mère, et la plus jolie des petites sœurs, un bébé de 3 ans délicieusement bouclé, un frère cadet qui oublie toujours d'essuyer ses pieds, et un grand frère, garçon de bonne mine, qui s'appelle Jimmy Junior, à Princeton. À table, nous nous amusons follement. Tout le monde rit, plaisante, parle à la fois, et nous ne sommes pas tenus à dire le bénédicité avant le repas. C'est si bon de ne pas remercier quelqu'un pour chacune des bouchées qu'on mange. Je blasphème peut-être, mais vous feriez de même si vous aviez été obligé de dire autant d'actions de grâce que moi. Que de choses nous avons faites, je ne sais pas par où commencer. Monsieur McBride est propriétaire d'une usine, et la veille de Noël, il y a eu un arbre pour les enfants des employés. C'était dans le grand atelier d'emballage, enguirlandé de feuillages et de houx. Jimmy McBride était habillé en Saint-Nicolas, et Sally et moi, nous l'avons aidé à distribuer les cadeaux. Oh, mais papa, c'était une drôle de sensation. Je me suis senti le même esprit bienfaisant d'un tuteur de l'asile John Greer. J'ai embrassé un gentil petit, tout poisseux, mais je ne crois pas avoir tapoté les joues à aucun d'eux. Et, deux jours après Noël, on a donné un bal exprès pour moi. C'est le premier vrai bal auquel j'ai jamais assisté. Nos sauteries entre élèves au collège ne comptent pas. J'avais une robe de soirée neuve, toute blanche. Votre cadeau de Noël, merci beaucoup. Des gants blancs, longs, et des souliers de satin blanc. La seule chose qui m'empêchait d'être parfaitement, absolument, complètement heureuse, était le fait que Madame Lippett ne pouvait pas me voir conduisant le cotillon avec Jimmy McBride. Racontez-le-lui, s'il vous plaît, à votre prochaine visite à la J.I.G. Toujours à vous, Joujou Abbott. Post-scriptum. Seriez-vous terriblement mécontent, papa, si après tout je ne devenais pas un grand auteur, mais tout simplement une jeune fille ? Samedi, 8h30. Cher papa, aujourd'hui nous sommes partis à pied pour la ville, mais miséricorde, comme il pleuvait, j'aime que l'hiver soit l'hiver, avec de la neige et non pas de la pluie. Nous avons eu la visite cet après-midi, une nouvelle visite, du précieux oncle de Julia. Il a apporté une boîte de chocolat pesant 5 livres. Vous voyez qu'il est avantageux de faire chambre commune avec Julia. Notre innocent babillage paraissait l'amuser. Il a attendu jusqu'au dernier train afin de prendre le thé dans notre cabinet de travail. Nous avons eu une peine énorme à obtenir la permission. Il est déjà difficile de recevoir les pères et grands-pères, mais pour les oncles, c'est bien pis. Quant aux frères et aux cousins, c'est presque impossible. Julia a dû jurer devant un officier public que le visiteur était vraiment un oncle et se faire délivrer un certificat par l'autorité municipale, comme je m'y connais bien en droit. Et, après tout, je doute fort que nous eussions eu notre thé si, par hasard, le doyen avait vu combien l'oncle Jervy est beau garçon et a l'air jeune. En tout cas, nous l'avons eu, ce fameux thé, avec des sandwichs de pain bis au fromage suisse. Il a aidé à les faire, et puis il en a mangé 4. Je lui ai dit que j'avais passé l'été à Lock Willow, et nous avons beaucoup bavardé sur les Saint-Paul, les chevaux, les vaches et les poules. Tous les chevaux qu'il a connus sont morts, sauf Grover, qui était un bébé poulain lors de sa dernière visite, et la pauvre bête est maintenant si vieille qu'elle peut à peine boitiller par les pâturages. Il a demandé si on mettait toujours les biscuits à l'office sur la dernière planche dans une cruche jaune couverte d'une assiette bleue. Et on le fait toujours. Il voulait savoir s'il y avait encore un trou de marmotte sous les rochers, dans la prairie. Il y est toujours. Amasai en a pris une belle grise, bien grosse par là cet été, la 25e arrière-petite-fille de celle que M. Jervy a prise quand il était gosse. J'ai appelé celui-ci M. Jervy, tout crûment. Il n'a pas paru sans formaliser. Julia a dit qu'elle ne l'avait jamais vu si aimable. D'ordinaire, c'est à peine si on peut l'approcher, mais Julia n'a pas le moindre tact, et je trouve qu'avec les hommes, il en faut beaucoup. Ils ronronnent si on les frotte dans le bon sens, et ils crachent si on fait le contraire. La métaphore n'est pas très élégante, mais je parle au figuré. Nous lisons les mémoires de Marie Bashkirtseff. C'est fantastique. Écoutez plutôt ceci. Hier soir, j'étais pris d'un accès de désespoir qui s'est traduit par des gémissements et qui finalement m'a poussé à jeter la pendule de la salle à manger dans la mer. Cela me fait presque désirer de ne pas être au nombre des génies. Ils doivent être très agaçants et surtout joliment dangereux pour le mobilier. Miséricorde, comme il pleut, nous serons forcés de nager jusqu'à la chapelle ce soir. Toujours à vous, Joujou.